Allez, cette fois, on s'envoie de la nouveauté dans l'aspect française avec Mauvaise Foi, une formation francilienne. Alors, c'est la première fois qu'on diffuse Mauvaise Foi. Hein. C'est leur, que je retrouve mes notes, second EP. Le premier a vu le jour il y a quelques années. Le groupe s'est formé en 2015, donc on est sur du doom sludge venu de région parisienne. Des textes en français, des titres assez courts, si l'on peut dire, pour le style pratiqué, hein, on est autour de 4 minutes. C'est rampant, écrasant, dégoulinant, baveux et crasseux. Et vocalement, c'est pareil, c'est gras, c'est sale, donc un rendu doom sludge bien nihiliste, bien dégoulinant, hein, véritablement sur la musique que nous propose Mauvaise Foi. Ce second EP s'intitule sobrement Mauvaise Foi 2. Et juste avant Mauvaise Foi, on reste dans la crasse et la violence avec Pilori, la formation de Rouen, qui nous a sorti un monstrueux quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous. Un second album bah, mortellement efficace. On s'écoutera les titres Maelstrom et Au prix de tous les sacrifices pour Pilori. Mauvaise Foi, juste après ça, avec le morceau culte du péremptoire. C'est parti. Le temps de mort. Où est-ce que tu es? Dans. Jean. doublette suivante pour refermer l'aspect française de ce soir, avec une doublette de nouveautés et deux récentes formations qu'il va falloir garder à l'œil puisqu'ils sont très très prometteurs l'un comme l'autre dans deux styles bien différents. Nous avons tout d'abord ACOD, ACOD, un groupe de Black Death à tendance épico-symphonique qui nous vient de Marseille, un duo en studio. Ils sortent là déjà leur cinquième effort studio, et au passage ils viennent de signer un deal chez les Acteurs de l'Ombre. Donc on est toujours musicalement sur quelque chose de riche, travaillé, presque grandiose, avec des petits arrangements orchestraux. Ça reste sombre et violent sur la base musicale. Donc voilà, ACOD commence à se faire voir et à jouer sur de très belles scènes. Force Reign Over Opacities and Beyond. Forcément, on est sur des légendes méditerranéennes. Et en doublette avec les Marseillais, les Franciliens de Sorcereur, récente formation de hardcore, presque négative hardcore. Ils sortent là un second EP. Le premier avait vu le jour sous le nom de Joy en avril 2021. On l'avait diffusé d'ailleurs. Il y avait notamment un feat avec vocaliste de Year of the Knife. Voilà, c'est pareil, un groupe qui promet dans les années à venir. Ce second EP s'intitule Pleasure, toujours sorti chez Deliverance Records. Le label parisien. J'ai pas encore eu l'occasion de poser mes oreilles dessus, faut que je le fasse assez rapidement. Surtout que Sorcereur sera présent en Touraine le 15 octobre, une date au Cana avec notamment Real Deal, la formation Tourangelle qui fait son retour pour l'occasion. Et j'ai bouffé le nom du troisième groupe, enfin on aura l'occasion d'en reparler. Genus Vacutatis, le titre de ACOD, Concealed Blades, le morceau pour Sorcereur, c'est parti. Broadcast. Doublette suivante, retour à la diff internationale avec pas de nouveauté dans cette doublette. Protector et The Halo Effect pour une doublette 100% européenne. Tout d'abord, Protector, vieille formation allemande qui a vu le jour au milieu des années 80, qui a bénéficié d'un chouette focus la semaine dernière par l'ami Thibaut. Voilà, un trash death frontal, mais qui a su quand même évoluer avec son temps et qui reste toujours aussi direct et efficace. Et The Halo Effect, nouvelle super formation venue de Suède, du pur Swedish Melodeath, composé par 5 membres qui sont passés par In Flames. Et le vocaliste n'est autre que Monsieur Michael Stein, bien sûr vocaliste historique de Dark Tranquility. Voilà, on est sur une musique riche et purement Melodeath venue de Suède. Protector, Cleitrophobia, extrait de l'album Excessive Outbursts of Depravity, The Halo Effect avec le titre Days of the Lost, qui n'est autre que le titre de l'album, une sortie Nuclear Blast. Trying to run. avait cette fois à nouveau une doublette de nouveautés dans l'émission Hellbanger, et là on est retour sur la diff internationale. Firtan enchaîné à Summerland. Alors Firtan, on est sur une formation de black venue d'Allemagne qui a vu le jour il y a une douzaine d'années. Ils sortent là leur troisième effort studio, on est sur un black épique, avec des petits relents pagan par-ci par-là, avec des moments voilà, où ça déroule, où ça tabasse sec, et des passages vachement plus mélodiques, aérés, avec même quelques séquences en acoustique. Un album plutôt généreux, 8 titres pour une bonne heure de musique, des compos travaillés qui prennent vraiment le temps de se poser, de se dérouler, qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter et d'apprécier. Et en doublette avec Firtan, nous aurons Summerlands, groupe de heavy ricain formé il y a une dizaine d'années par 3 membres de Eternal Champions. On est cependant assez loin du true heavy épique dont nous gratine Eternal Champions. Là on est plutôt sur un heavy mellow hard rock. En termes d'inspiration, on peut retrouver les vieux albums de Ozzy Osbourne, mais également ceux de Ronnie James Dio ou même le Judas Priest des années 80. Il y a même des petits claviers pour rehausser les ambiances oldies. C'est tubesque et c'est vachement bien fait, ce nouvel effort de Summerlands. Voilà, les présentations sont faites. Firtan, on s'écoutera le morceau Lapsal, extrait de l'album Martyr. A noter que c'est une avant-première, parce qu'il ne sortira que le 30 septembre chez Art of Propaganda Records. Et ensuite Summerland, Twilight Points the Way, extrait de l'album Dream Killer, une sortie Relapse Records. Stop it! Doublette suivante, c'est l'avant-dernière pour l'émission de ce soir. Doublette de violence gratuite avec tout d'abord les Italiens de Hierophant, anciennement le groupe qui nous faisait du Blackening Hardcore Sludge, bien crasseux, bien violent, bien dansant. Et ils ont pris un bon virage pour moi, parfaitement bien réussi et maîtrisé. On est sur un espèce de black bien sauvage, rehaussé d'une sonorité death metal sombre comme on peut retrouver en Finlande ou au Québec. Death Siege, c'est le nom de ce nouvel effort studio, une sortie Season of Mist. On s'écoutera le morceau Abysmal Annihilation, c'est bestial à souhait. Et ensuite une nouveauté, Harlequin, formation américaine. Un trio 100% féminin qui nous fait un death brutal bas du front, actif depuis une bonne douzaine d'années. Les nanas sortent là leur second album studio, donc on est sur un death bien frontal agrémenté d'éléments black et brutal death. Des titres assez courts, expéditifs, hein, 33 minutes pour 12 morceaux, c'est violent, c'est sale, et on a deux voix, hein, la guitariste chanteuse qui est sur une bonne voix bien gutturale, et la bassiste chanteuse qui nous balance des putains de screams ultra aigus et bien vénères, comme savait le faire à l'époque l'ami Chris Barnes. Bon, ça c'était avant, c'était il y a 30 ans. Voilà, Harlequin, excellente découverte, et putain c'est violent, Origin of Suffering, c'est tout simplement le titre de l'album que l'on va s'écouter tout de suite, c'est parti. We'll be right back. Et c'est déjà la fin de l'émission Hellbanger de ce soir. C'est l'heure de se quitter avec une toute dernière doublette, une doublette de nouveautés au passage. Nous aurons tout d'abord Trial, récente formation de Revival Heavy qui nous vient de Suède. Enfin, quand je dis récente, c'est quand même déjà une quinzaine d'années d'activité, hein, pardon. Quatrième effort studio qui voit le jour chez Metal Blade, donc on est sur du heavy bien trad années 80, les Suédois sont vraiment très très bons dans l'exercice, légèrement mélodique, d'inspiration heavy anglais, et on retrouve cependant une petite dose heavy occulte à la sauce King Diamond, Merciful Fate, et voilà, ça donne une recette bien solide et savamment exécutée. Et en doublette avec Trial pour clôturer l'émission de ce soir, The Dark Prison Massacre, un groupe de brutal slam death chinois qui a vu le jour en 2005. Ils sortent là leur troisième album studio. On est sur un espèce de brutal slam grindisant, un peu à la sauce Fatuous Ramp. C'est presque à se demander si c'est pas la marque de fabrique de ces groupes slam grind venus d'Extrême-Orient. Le chanteur en fait des tonnes, c'est putain de génial, ça groove à souhait, c'est presque dansant par moment. Voilà, Dark Prison Massacre, à s'écouter avec pas beaucoup de plaisir. Feed the Fire, le nom de l'album de Trial, on s'écoutera le morceau Sulfury, The Dark Prison Massacre, Cerebral Failure Projection, extrait de l'album Triple Insanity, une sortie en Potato Vein Records. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao ciao. 压你脚，活该，应当压你嘴。 出的裤衩里的后备箱，做个弹弓子打你们家玻璃。